te donne la couronne, mais avant j'suis sur le trône. J'pars comme un prince, j'te laisse juste l'odeur du cône. Milliers d'euros, mission accomplie, le vrai. J'compte les zéros, sans chèque j'me transforme en Saiyan. J'quitte un mec, continue à parler sur WAP. J'ai une mif à nourrir, pour ça que j't'ai fait sniffer la WAP. Mettre à genoux qui moi, et c'est pour voir si c'est possible. Et t'as une toute petite voix quand ça part de chasse ou d'usine. La souffrance, on la connaît, tu la connais, pas comme nous. La misère, tu la regardes, on la caresse, pas comme vous. Tu t'amuses, nous on a des ambitions, Hercule. T'as mis j't'aime à tes conditions, ça ou tienne, ça ou tienne. Et j'dis pisse pisse, mais avant j'y sais plus, t'annoncier. Sous le sein élevé, toute ma haine s'est irradiée. De la vie me gêne. J'reviens de l'enfer, j'fais partie de ces abos. Rigène. Gang, gang, gang, gang. Comme la vie, comme la rue, man, j'suis déconnecté. J'tombe pas une larme, le corps est humecté. J'survole ce monde, derrière me pointe du doigt. Quand j'rappe, j'les baisse fort, j'dois être maladroit. J'ai drôle d'attitude, man, j'dois être niqué. Et ta chelou, tu as diagnostiqué. Ico, j'pense aux autres, c'est peut-être ce qui me tue. J'pense peu à moi, mon bonheur. Du coup, j'fais son selfie. Cette pute me chuchote cette vie. C'est pour toi, prends la vie, la pèse là. J'suis défoncé, j'empile vite. On était plusieurs sur la quête plat. Maintenant j'prends le monde avec AD. La mif est à l'abri, j'ai pas soigné mon cœur. Il est sucé, jamais, jamais. J'me fonce, j'ressens plus le vide. J'marche de travers, la lumière j'évite. J'me déconnecte de ce monde vie. Le sourire des miens me suffit. Peur de mes sentiments, mon cœur se lasse vite. La lumière m'a appris que l'obscurité reste, douleur terrestre, sentimentesse. Faut que je m'engraisse, faut le que temps je m'engraisse sous le ciel. Le poids de mon monde sur les ailes. Je sais pas si j'ai le bonheur que tu mérites. Furée de mon mieux m'appelle. Nous c'est toujours fier, j'entre à la maison, j'ai le seul à la porte. Si t'es pas de mon sang, pas sûr que je pourrais t'aimer jusqu'à la mort. Puisque ma vie, papa m'a dit. Centaines de cultes à des orcadies. Parce que je voulais ma part de paddy. Maintenant que j'ai tout pris, ça n'a pas suffi. Quand t'aimes trop la vie, moi je m'écarte la hesse avant qu'elle m'épouse. Maintenant tout de suite, un seul veut ma bite comme si elle avait changé de go. J'ai plus d'amis. Parce que tu sais. Gang. Comme la vie, comme la rue, man, j'suis déconnecté. J'tombe pas une larme, le corps est humecté. J'survole ce monde, derrière me pointe du doigt. Quand j'rappe, j'les baisse fort, j'dois être maladroit. J'ai drôle d'attitude, man, j'dois être niqué. Et ta chelou, tu as diagnostiqué. Ico, j'pense aux autres, c'est peut-être qui me tue. J'pense peu à moi, mon bonheur est écu.